Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Annie Ernaux, Antonio Lobo-Antunes, André Brink, Jean Dormesson, Lydie Salvet, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Jean-Philippe Toussaint. Cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Ce soir, débuté. Jean-Philippe Toussaint, j'ai eu envie de donner aux différents épisodes de cette série à voix nue des titres en forme de verbe à l'infinitif. Alors en écho bien sûr à deux de vos livres, Faire l'amour et fuir, mais aussi parce que l'infinitif, ça offre une fausse neutralité, et que ça ouvre de fait, me semble-t-il, beaucoup de possibles. Alors je vais commencer par vous soumettre ce verbe et vous proposer d'y réagir. On pourrait s'amuser à faire croire que ce serait une séance de psychothérapie, mais avec libre association, pourquoi pas. Pour ce premier de nos entretiens, un verbe qui s'impose, débuter. Débuter, ça ne nous rajeunit pas. Oui, je suis d'ailleurs aujourd'hui dans ce bureau aux éditions de Minuit où j'ai de très anciens souvenirs car maintenant j'ai 56 ans, mais je crois que je suis rentré dans ce bureau, le même bureau, la chaise où je suis assis, peut-être même les meubles et peut-être même l'ordinateur, encore qu'à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y avait déjà des ordinateurs, en 85. Je suis venu pour la première fois aux éditions de Minuit, peut-être même en décembre 84. J'ai rencontré pour la première fois Jérôme Lindon dans un bureau exactement voisin de celui-ci, en décembre 84. Il venait de me proposer un contrat pour La Salle de Bain, mon premier roman. Et je crois que c'était l'épisode le plus fort dans tout ce qui m'est arrivé. Comme écrivain. Alors j'ai eu d'autres joies, notamment tout ce qui s'est passé au Japon, un prix Médicis en 2005. Bon, j'ai eu quelques satisfactions, mais jamais une sorte de joie aussi forte que le jour où j'ai su que j'allais être publié et qui plus est aux éditions de Minuit. Ça remonte donc maintenant quasiment à... J'exagère, j'arrondis à 30 ans. Ouais, pas loin de 30 ans, en effet, mais des débuts en littérature qui ont été très remarqués avec La Salle de Bain. À ce moment-là, donc vous avez 27, 28 ans, au moment où le livre sort, Jean-Philippe Toussaint, est-ce que vous vous rendez compte que c'est quand même pas très normal qu'un premier livre ait autant d'écho ? Pas tout de suite, enfin pas complètement. Évidemment, comme les choses qui nous arrivent, on a l'impression que c'est normal. Il m'a fallu un tout petit peu de recul pour me rendre compte que c'était peut-être pas tout à fait normal que Jérôme Lindon m'appelle presque tous les deux jours pour s'interroger de très près à des détails de mon premier roman. Je n'ai pas eu conscience tout de suite qu'il était finalement passionné par ce roman, qu'il m'a accueilli avec... on a une relation très amicale et par la suite j'ai un peu mieux connu la réputation de Jérôme Lindon qui ne passait pas pour l'espèce d'ami très enjoué que je connaissais. Il y a eu une relation très particulière et donc en fait je me suis rendu compte avec le recul que c'était tout à fait extraordinaire que Jérôme Lindon, éditeur du nouveau roman, fasse à ce point confiance à un auteur débutant pour son premier roman. Mais moi, je crois que sur le moment, j'ai vécu ça comme bah, Ben voilà, ça m'arrive et je travaillais quand même très sérieusement, j'avais beaucoup travaillé. Et puis donc, que le livre se vende à 50 000 exemplaires, que ce soit un premier roman chez Minuit qui se vend à 50 000. Oui, ben voilà, c'est, j'avais travaillé, donc je le méritais. Qu'il soit très vite traduit en 20 langues, ben oui, c'était. Avec le recul, je pense que c'est pas si fréquent et j'ai de plus en plus conscience que Jérôme Lindon a été déterminant et que d'une certaine façon, il a découvert la salle de bain. Certes, je l'ai écrit, mais que ce rôle de passeur, le rôle de l'éditeur de transmettre un manuscrit qui avait atterri dans un bureau aux éditions de Minuit, le faire connaître au public, il a vraiment tenu son rôle, il a eu cette intuition et il l'a eu immédiatement. Ça, c'est extraordinaire. L'enthousiasme qu'il a eu, dès qu'il a lu, je crois, les 3-4 premières pages, ça a été très compliqué de me joindre parce que j'étais en Corse déjà, si je puis dire, sans le téléphone, déjà ou encore. Et donc, ça a été très compliqué de me joindre. Et en plus, il y a eu une sorte de malentendu puisque le livre avait été adressé à Rob Grillet, que Rob Grillet était aux États-Unis. Donc, il était très en retard. D'autres éditeurs aurait dû le prendre de vitesse. Or, par chance pour lui et sans doute pour moi, tous les autres avaient refusé. Donc, il est arrivé très en retard, mais avec son enthousiasme. Et donc, finalement, il y a eu aussi le fait que Jérôme Lindon, en publiant La Salle de Bain, que tout le monde avait refusé, avait une satisfaction supplémentaire de se dire que lui avait l'œil quand même. C'est que ce premier roman qui d'une certaine façon, a beaucoup plu à des jeunes lecteurs, qui a un peu changé la façon dont, même dont les éditions de Minuit étaient perçues, bah, il était très content d'avoir eu ce flair. Alors, il y a le début de la publication, mais il y a le début de l'écriture. Et ça, Jean-Philippe Toussaint, vous le racontez au début d'un livre auquel je me référerai souvent dans ces entretiens à voix nue parce qu'il me passionne. C'est L'urgence et la patience, le titre de ce livre. Vous racontez que ça se passe dans un bus entre Bastille et République à l'automne 1979. Oui, c'est ça. J'en fais presque une légende. Je fais une petite, presque une métaphore, le côté conversion de Saint-Paul, la lecture d'un livre de Beckett. Mais comme écrivain, il est normal que je reconstruise une certaine réalité. Je pense que c'était pas le contraire de ce que je dis, d'ailleurs. C'est un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à très tard, à l'échelle du temps tel que je le concevais à l'époque, c'est-à-dire jusqu'à 21, 22 ans, je n'imaginais pas une seconde devenir écrivain. C'était pas du tout dans mes intentions. J'avais fait Sciences Po à Paris. Je m'intéressais plutôt au cinéma. Et je n'avais pas de goût particulier pour la lecture, ce qui, évidemment, pour un écrivain, peut poser de problème. Donc ce n'est venu qu'assez tardivement. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que tous les grands livres, que ce soit Proust, Kafka, Beckett, j'ai lu tout ça déjà avec une perspective d'écrivain. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà commencé mes premières tentatives littéraires lorsque j'ai pris connaissance finalement des plus grands auteurs, enfin, en tout cas du XXe siècle et même du passé. Ma culture littéraire, jusqu'à 20 ans, pendant mes études à Sciences Po, était vraiment des plus sommaires. Mais à une exception près, puisque vous proposez un théorème, hein, Jean-Philippe Toussaint, qui lit Crime et Châtiment se met à écrire un mois plus tard. Oui, alors c'est le déclic, c'est Crime et Châtiment qui a tout changé. C'est-à-dire que, là j'exagère peut-être un peu, mais ce que j'essaye de faire à croire, c'est que si je n'avais pas lu Crime et Châtiment, je n'aurais jamais écrit. Alors peut-être que c'est pas exactement comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai lu Crime et Châtiment, j'avais fini Sciences Po déjà, je devais être en DEA, quelque chose comme ça. J'avais quelques idées de scénario, mais c'était rien n'était très précis. Et ma sœur m'a conseillé de lire Crime et Châtiment. Elle a dit ça devrait te plaire. J'ai lu Crime et Châtiment, et ça, je n'invente rien, un mois après, je me suis mis à écrire. J'ai donc transformé l'espèce de scénario que j'avais imaginé en un roman. Et ce qui est assez remarquable, c'est que j'ai fini ce roman. C'est-à-dire que j'ai été jusqu'au bout de ce roman. Donc là, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, on peut avoir une sorte d'impulsion, j'aurais pu écrire 20 pages, 40 pages, tout ça. J'ai fini le roman. Et ce roman, d'ailleurs, j'en ai fait, je crois, 9 versions. C'était un vrai point de départ. C'est-à-dire que j'ai commencé, il y a eu un élan. Et à partir de là, je me suis dit, ou plutôt j'ai pris conscience, grâce à quelques conseils extérieurs d'ailleurs, que finalement écrire, ça ne s'improvisait pas. Et que le préalable minimum, c'était quand même de lire les grands classiques. Et donc, j'ai lu, je dirais, les grands classiques dans cette perspective-là. Donc, c'est un peu un chemin particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas l'amour de la littérature comme lecteur qui m'a amené à écrire. C'est plutôt une sorte de... Je me suis rendu compte avec Dostoïevski de la force que pouvait avoir la littérature. Je ne la soupçonnais pas. Et en fait, ce qui m'a sidéré dans Crime et Châtiment, c'est que je me suis complètement identifié à Raskolnikov. Or, Raskolnikov avait tué une vieille, sa propriétaire, etc. Donc, est un assassin. Et du coup, j'étais moi un assassin, ce qui ne m'était pas arrivé. Je ne veux pas dire encore, mais ce qui ne m'était pas arrivé. Et c'était un vrai choc. Je me suis. En plus, ce qui me semble assez fascinant dans le livre de Dostoïevski, c'est que par ailleurs, Raskolnikov est quand même une sorte d'étudiant, un peu un dilettante, un intellectuel. Il a des arguments assez fallacieux, mais de dire que quand même l'argent, il en ferait meilleur usage que cette vieille qui le planque et qui ne s'en sert pas, que lui, il a la vie devant lui. Tout ça, moi, j'étais prêt à admettre tous ces arguments, et je m'identifiais à ce côté. Je trouve, alors peut-être je m'avance un peu, qu'il y a un tout petit côté Oblomov dans Raskolnikov, alors évidemment, c'est pas poussé, c'est pas ça qui est développé par Dostoïevski, mais ce côté Oblomov que j'ai lu plus tard. Et Oblomov, alors là, c'est encore plus moi, évidemment. Je me suis encore plus identifié à ce mollasson beckettien, avant l'heure d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il était plus. Oui, c'est un précurseur. Mais c'est vrai que la figure d'Oblomov, figure où là, je rejoins vraiment ma vraie famille avec Oblomov, il y avait déjà un petit quelque chose. Et alors, ce côté Oblomov plus assassin, alors là, ça m'a fait une sorte de court-circuit particulier. Alors, ce premier livre, Jean-Philippe Toussaint, vous l'avez écrit, vous le dites, il s'appelle Échec. On peut le trouver en ligne sur votre site internet jptoussaint.com, dont on parlera parce que c'est vraiment un univers à part dans dans la façon de découvrir votre travail. Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce livre-là? En quoi il compte dans le fait d'être le premier vrai livre avant la publication? C'est très difficile à dire. Enfin, je le considère comme une préhistoire. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier livre, c'est La salle de bain. Et tout ce que j'ai écrit avant peut être intéressant. Je ne suis pas du tout, je ne le renie en rien, mais je ne le signe pas de la même façon. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a mon premier roman, et c'est une chance, en fait, que mes essais préalables n'aient pas été acceptés. Il y a eu des éditeurs qui s'intéressaient vaguement à certains textes. Un en particulier a failli être publié chez un autre éditeur. Heureusement, finalement, que jusqu'à 27 ans, je n'avais rien publié, et que donc finalement, mon coup d'essai était déjà un livre où j'avais, comment dirais-je, 5 ans d'expérience littéraire sérieuse derrière moi. Et donc, que finalement, ça m'étonnait pas tellement. Alors, évidemment, tout ça est très. Sujet à la caution, mais ça ne m'étonnait pas tellement que tout ce travail finalement soit récompensé et qu'un éditeur averti le découvre d'une certaine façon. Voilà, c'est parce que j'avais quand même beaucoup travaillé, ça c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a quand même, je sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et c'est pas parce qu'il ne suffit pas de travailler beaucoup pour être publié aux éditions de minuit et traduit dans le monde entier. Ça se saurait. Parmi vos débuts, puisqu'on reste sur le verbe débuter, Jean-Philippe Toussaint, il y a les débuts au cinéma. Alors d'abord, il y a les débuts comme scénariste pour l'adaptation de La salle de bain qui sera réalisée par John Wolfe. Comment est-ce que vous voyez ce passage de l'écrit pour publication de livres à l'écrit pour une dimension cinématographique? Oui, alors quand j'étais étudiant à Sciences Po et que je faisais mon DEA d'histoire, j'étais passionné de cinéma et je l'ai déjà évoqué. J'écrivais des scénarios. Disons que mon rêve, si on peut dire ça comme ça, était de devenir cinéaste. Donc, lorsque mon livre a été publié, qu'il a eu du succès, j'ai été contacté par des cinéastes et mon idée était quand même d'être associé au projet. Et ça, j'ai rencontré plusieurs réalisateurs qui voulaient adapter La salle de bain. Je me suis très bien entendu avec John Lvoff et d'autant plus qu'il était tout à fait prêt et demandeur que j'écrive le scénario avec lui. Donc pour moi, c'était déjà c'était extrêmement convaincant. Bon, d'abord, il y a eu une amitié, on s'est très bien entendu, mais il était tout à fait ouvert à ce que je participe. Et donc pour moi, c'était une façon de mettre quand même un pied dans le cinéma professionnel, dans cette collaboration. Là, c'est un souvenir très heureux. On a écrit ce scénario en un mois. de façon, je dirais, tout à fait légère, à la campagne, un peu isolée, comme si ça. Et donc pour moi, écrire un scénario était d'une simplicité absolue, se faisait dans une sorte de bonheur, sans aucun des affres de la difficulté, des affres de la création que j'avais éprouvé. Déjà, pour l'écriture de la salle de bain, l'écriture de la salle de bain avait été à certains moments douloureuse, pas particulièrement douloureuse, j'ai connu bien pire, mais il y a eu des difficultés. Dans cette écriture du scénario, il y a une sorte de légèreté d'un bout à l'autre de cette écriture. Et puis aussi une chose très importante, c'est grâce à John Lvoff, je lui expliquais que j'avais envie de réaliser aussi. Et donc peut-être je précède déjà la question, mais John m'a dit, mais si tu veux réaliser, et moi je disais, mais peut-être je pourrais être assistant. Il m'a dit, non, assistant, c'est un autre métier. Si tu veux réaliser, tu dois être réalisateur. Et pour être réalisateur, il y a deux choses qui importent, c'est savoir ce qu'on veut. Et c'est pas si fréquent, il m'a dit. Et deuxièmement, trouver un producteur. Et après, tu peux t'entourer de techniciens, de gens qui connaissent très bien le métier, de l'image, du son, etc. C'est pas à toi. Et d'ailleurs, autre phrase qu'il m'a dite que j'ai retenue, les cinéastes, même les plus reconnus, n'ont pas une très grande expérience des plateaux. Ils ont l'expérience de leurs propres films. Ce ne sont pas des techniciens. Donc ce sont des créateurs, ce sont des artistes. Et donc finalement, ça m'a donné confiance. Et ce qui fait que pratiquement en même temps que lui, enfin lui, il a réalisé La salle de bain. En 80, le film est sorti en 89, donc il a dû le réaliser en 88, et moi en 89, je réalisais Monsieur, donc mon premier film, donc ça m'a produit par ma sœur Anne-Dominique Toussaint, qui en fait, donc j'avais trouvé le producteur, en l'occurrence ma sœur, et savoir ce que je voulais, ben, je crois que en effet, je savais ce que je voulais. Place déterminante hein, de votre sœur, déjà citée à deux occurrences dans ses débuts. Mais alors du coup, effectivement, profitons-en pour en parler aussi, Jean-Philippe Toussaint, de cette relation-là, très particulière de sœur pas sœur, si je puis dire, en jouant un tout petit peu sur les mots. C'est quoi cette relation-là? Eh bien, ma sœur travaillait déjà un peu dans le cinéma, elle avait été assistante de plusieurs producteurs, elle voulait devenir productrice. Et donc, lorsque moi je lui expliquais ce que je viens de dire, ce goût que j'avais de me lancer, de faire un premier film, elle aussi, elle avait envie de se lancer. Donc, on s'est lancé. C'était son premier film comme productrice, c'était mon premier film comme réalisateur. Là encore, ça a été une expérience très heureuse. Ça a été une sorte, que, je dirais, peut-être en dehors de ce qu'est le cinéma. Enfin, c'était une sorte tout semblait très simple finalement, et tout l'a été. Et il y a une sorte de légèreté. Et très longtemps, j'ai considéré le cinéma comme des vacances, comme quelque chose d'agréable qu'on fait comme ça, mais finalement qui n'a pas tellement d'importance. Enfin, que la chose difficile et sérieuse, c'était la littérature, et que de temps en temps, j'avais quand même besoin de vacances, et que ça me faisait le plus grand bien de m'abstraire. Et puis aussi, ce que je découvrais, il y a tout un côté très social dans le cinéma, c'est-à-dire le contact avec les techniciens, le contact avec les comédiens. Et moi, même si je suis très solitaire et que j'aime être seul, j'aime vivre seul, en réalité, je me suis rendu compte que j'aimais aussi la compagnie lorsqu'il s'agit de travailler. Et que finalement, j'étais très à l'aise avec les équipes techniques, avec les comédiens peut-être un tout petit peu moins, mais enfin que dans le travail, ça me plaisait. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un grand plaisir d'avoir aussi cette activité sociale et de travailler en collaboration, même si c'était idéal comme condition, et puis c'était pour faire venir mon propre rêve, pour matérialiser mon propre rêve, faire mon propre film, entouré de gens qui étaient à mon service, qui avaient envie de le faire avec moi. Je me suis rendu compte que c'était finalement aussi un schéma qui me plaisait. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 15 ans. Je ne sais pas, je dis 15 ans, mais une sorte d'alternance de moments où j'étais très seul pour écrire, et c'est une condition absolument indispensable d'être tout à fait seul, et de moments où je faisais ces films, où il y avait une sorte de très grand plaisir et un plaisir aussi d'être au milieu du monde, d'une certaine façon. Parmi les débuts, Jean-Philippe Toussaint, il y a aussi les débuts d'une amitié, en tout cas d'une rencontre, parce qu'il y a Tom Novembre qui est là, dans la salle de bain. Je ne sais pas si vous le connaissiez avant ce film-là même ou pas, mais et qui était encore là au Louvre. Nous parlerons de votre invitation au Louvre, mais qui était encore là, voilà, pour lire vos Alors, textes. Tom Novembre, c'est une idée de John Wolfe, et donc mais John m'a consulté. Et il y avait tous ces moments, ça date de 1988, je pense, tout ça. Enfin, le tournage était 88, donc c'était même avant. Je crois qu'il y a une Coupe du Monde à 86, Au et Mexique. au Mexique. Voilà, je pense que nous étions avec John Wolfe et Tom Novembre en Corse, ensemble, où on a travaillé le scénario ensemble avec John et avec Tom. Bon, moi, j'étais pas du tout été sur le plateau, mais John m'a quand même tout à fait impliqué dans le projet. Et j'ai rencontré Tom à ce moment-là, donc il est venu en Corse, dans la maison où nous habitions à l'époque. Et donc, et puis je l'ai fait jouer dans chacun de mes films, dans Monsieur, dans La Séviane, dans La Patinoire, où il a un rôle principal. Et en effet, je l'ai encore retrouvé. Donc c'est vrai que c'est une. Même si on ne se voit pas extrêmement souvent, j'aime aussi d'ailleurs d'une certaine façon, ces idées de fidélité, en fait, les gens avec qui je travaille, j'aime bien continuer à travailler avec les mêmes personnes, et que ça se prolonge, sur une assez longue durée. Aparté d'ailleurs à ce propos, Jean-Philippe Toussaint, il vous est passé par l'esprit un jour de quitter les éditions de Minuit? Pas vraiment. Pas vraiment. Je crois que. On a dû vous solliciter, c'est ça aussi que je veux dire. Pas d'indiscrétion. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je sous-entends, c'est que c'est pas forcément vous qui vous êtes réveillé un matin en vous disant, tiens, il faut que j'aille sonner chez Gallimard ou chez n'importe qui. C'est qu'on a sans doute dû vous demander très gentiment. Oui, non, le plus important pour moi, et je pense que je l'ai dit très fermement au début de cette émission, c'est le rôle de Jérôme Lindon, qui a finalement découvert la salle de bain. Et pour moi, c'était absolument ma naissance comme écrivain. Et donc là, il y a une vraie loyauté. Et je pense que, au-delà de tout, je suis fidèle et reconnaissant, en fait, que Jérôme Lindon m'ait découvert. Il se trouve, en plus de ça, que depuis une dizaine d'années, depuis qu'Irène Lindon a repris l'édition de Minuit, je me sens très à l'aise aussi dans cette maison. Et le fait d'avoir publié les quatre livres du cycle de Marie aux éditions de Minuit, j'en suis très fier, je suis très heureux de la façon dont ça s'est passé. Alors, début encore, même si l'émission, elle, aujourd'hui, va toucher bientôt à sa fin, Jean-Philippe Toussaint. La première exposition, parce qu'on parlera aussi de votre activité de plasticien, disons ça comme cela. Alors, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu Osaka 2001, mais je sais pas si c'est la première, Oui, il celle-là. y a beaucoup de débuts là. Il y a Ouais. beaucoup de débuts. Pour vous, c'est quoi le Oui, vrai mais premier? ben, c'est-à-dire, en effet, ça faisait un moment que ça me démangeait, si je puis dire, d'exposer des photos. Alors, le vrai, c'est plutôt 2000, en effet, et c'est j'ai publié Autoportrait à l'étranger, aux éditions de Minuit, et en même temps, je me suis dit, voilà un angle d'attaque intéressant pour montrer des photos, c'est l'autoportrait. Donc, c'est comme ça que. Ça, c'est un premier début. Mais l'autre vrai début, c'est que à Tokyo en 2002, encore qu'une Coupe du Monde de football, j'ai découvert par hasard dans la nuit, à Tokyo, un néon book, le mot livre, à l'enseigne d'une librairie, et que ça m'a fasciné. Et qu'à partir de là, j'ai fait faire des néons. Donc, j'ai exposé à Bruxelles, dans une galerie Moins 1 de la librairie du centre d'architecture. Et j'ai fait faire 7 néon-books. À partir de là, j'ai décliné ce travail sur les néons, qui, d'une certaine façon, a trouvé sa consécration, si je puis dire, à une œuvre que j'ai exposée à Canton en 2009, sur la façade du centre d'art de mon ami et éditeur Chen Tong, où j'ai montré tous les titres de mes livres en français et en chinois, en néon, sur la façade. Donc ça, c'est une œuvre vraiment Est-ce qu'on peut voir sur la page d'accueil de votre site internet? absolument, voilà. Et puis bon, une œuvre aussi que j'ai faite au Louvre. Bon, peut-être on reviendra là-dessus. Et c'est à partir de là, donc, mais Il y a eu plusieurs débuts, donc là, je réponds mal à la question en fait. Non, si, parce que oui, il y en a plusieurs. Trop de débuts, oui. Bah oui, mais ça fait plusieurs débuts. Et on est presque à la fin. Mais est-ce qu'il y a encore des débuts que vous aimeriez faire, Jean-Philippe Toussaint? Et disant ça, je précise tout de suite ma pensée, parce que au départ de l'écriture aussi, il y a le roman Échec dont on a parlé, mais il y a aussi une pièce de théâtre qui elle aussi est depuis peu disponible en ligne. Et d'ailleurs, il y a une histoire quand même magnifique avec Samuel Beckett que j'aimerais bien que vous racontiez à nos auditeurs la concernant, cette pièce. Oui, alors en réalité, lorsque je m'essayais à écrire, j'étais un très grand admirateur de Samuel Beckett, et donc j'ai eu envie qu'il lise un de mes textes, mais je n'osais pas lui demander comme ça frontalement, et donc j'ai eu l'idée de lui proposer de faire une partie d'échecs par correspondance, avec l'idée de dire, bon, si je gagne, vous lisez ma pièce, si vous gagnez, vous n'êtes pas obligé de la lire. Enfin, donc c'était... Et je terminais la lettre en disant « au cas où, 1, E4 ». Donc je jouais le coup d'ouverture. Voilà. Et quelques jours plus tard, il m'a répondu « les Noirs abandonnent, envoyez la pièce ». Voilà, c'était une magnifique réponse, c'est vraiment très, très beau. Alors je l'ai raconté en effet dans l'urgence et la patience, je l'ai gardé assez longtemps pour moi, je l'ai raconté comme ça de temps en temps, et puis finalement je l'ai écrit dans un des textes. J'ai consacré 3 textes à Samuel Beckett dans l'urgence à la patience pour dire, enfin, toute l'admiration que j'ai pour lui, et aussi la, finalement le, combien il a été un auteur à la fois que j'ai énormément admiré, mais au-delà de ça que j'ai aimé, on peut dire, et puis même, et ça c'est assez émouvant, que j'ai rencontré et que j'ai vu physiquement, enfin, et ici aux éditions de Minuit, enfin, je l'ai croisé 2 ou 3 fois dans les bureaux des éditions de Minuit, et c'est vrai que ça c'est tout à fait extraordinaire vu la place qu'il a dans la littérature mondiale. C'est comme si j'avais rencontré Flaubert. Alors le théâtre, quand est-ce qu'une pièce de Jean-Philippe Toussaint sera jouée? Il y a une envie de cela? Oui, alors en fait c'est vrai que pourquoi pas le théâtre, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas terminé, qu'il y ait d'autres débuts. Et c'est vrai que ça c'est un peu ce qui nous arrive en vieillissant, c'est que beaucoup de choses je l'ai déjà fait, donc ça perd un petit peu, et parfois le simple fait de ne pas encore l'avoir fait, tout ce que j'ai fait par exemple, lié à l'art contemporain, ça me donne une sorte d'excitation supplémentaire, parce que c'est la première fois, donc le fait d'avoir pu exposer au Louvre, c'était extraordinaire. Pendant 2 ans, j'y pensais tous les jours. C'était non seulement un projet très exaltant, mais c'était aussi la première fois que j'exposais que j'avais un projet d'exposition d'une telle ampleur. Et donc c'est vrai que ça peut être le théâtre, mais il y a d'autres... Enfin, j'ai pas d'exemple, je pense pas que... Votre carrière de footballeur, voilà, est plutôt derrière ça, vous, c'est ça, celle-là. C'est ça. Et même d'entraîneur. Ah. Quoique... Enfin, voilà. Non, je... Pour la sélection belge qui va très bien. Mais l'entraîneur est remarquable. Je pense que je n'ai rien à lui apprendre. Donc vous gardez quelques débuts. J'aimerais plus tard. J'aimerais qu'il y en ait d'autres. Et je pense que c'est... certes, c'est très important de continuer, et en particulier dans l'écriture, dans la littérature, c'est quand même mon activité principale, et je me rends compte que le fait de continuer est évidemment très important, parce que c'est là que j'ai acquis le plus d'expérience. Donc continuer est évidemment très important. Mais pour moi aussi, il y a cette espèce d'excitation de la nouveauté, et j'espère qu'il y aura encore des premières fois, des choses à commencer. C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean-Philippe Toussaint. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation, Rafik Zénine. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant 1 an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Arnaud Laporte avec Jean-Philippe Toussaint. Culture, un été d'écrivain. Culture, un été d'écrivain, deuxième partie, lecture. Ce soir, autour de Marie, Jean-Philippe Toussaint a choisi de lire des extraits des livres qui composent son cycle romanesque intitulé Marie, Madeleine, Marguerite de Montalt. Un cycle consacré à Marie, créatrice de mode et compagne du narrateur. De Paris à Tokyo, en passant par l'île d'Elbe et la Chine, les deux personnages ne cessent de se séparer et de se retrouver. Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au musée Calvet, dans le cadre du Festival d'Avignon. Premier épisode, faire l'amour. J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Il me suffirait d'ouvrir le flacon, un flacon transparent qui avait contenu auparavant de l'eau oxygénée, de viser les yeux et de m'enfuir. Je me sentais curieusement apaisé depuis que je m'étais procuré ce flacon de liquide ambré et corrosif qui pimentait mes heures et acérait mes pensées. Mais Marie se demandait, avec une inquiétude peut-être justifiée, si ce n'était pas dans mes yeux à moi, dans mon propre regard, que cet acide finirait, ou dans sa gueule à elle, dans son visage en pleurs depuis tant de semaines. « Non, je ne crois pas, lui disais-je, avec un gentil sourire de dénégation. Non, je ne crois pas, Marie. » Et de la main, sans la quitter des yeux, je caressais doucement la courbe évasée du flacon de verre dans la poche de ma veste. Avant même qu'on s'embrasse pour la première fois, Marie s'était mise à pleurer. C'était dans un taxi, il y a 7 ans et plus. Elle était assise à côté de moi dans la pénombre du taxi, le visage en pleurs que traversaient les ombres fuyantes des quais de la Seine et les reflets jaunes et blancs des phares des voitures que nous croisions. Nous ne nous étions pas encore embrassés à ce moment-là. Je ne lui avais pas encore pris la main. Je ne lui avais pas fait la moindre déclaration d'amour. Mais ne lui ai-je jamais fait de déclaration d'amour ? Et je la regardais, émue, désemparé, de l'avoir pleuré ainsi à mes côtés. La même scène s'est reproduite à Tokyo il y a quelques semaines. Mais nous nous séparions alors pour toujours. Nous ne disions rien dans ce taxi qui nous reconduisait au grand hôtel de Shinjuku, où nous étions arrivés le matin même. Et Marie pleurait en silence à côté de moi. Elle reniflait et octait doucement contre mon épaule. Elle essuyait ses larmes à grands gestes brouillons du revers de ses doigts. De lourdes larmes de tristesse qui l'enlaidissaient et faisaient couler le maquillage de ses cils. Alors qu'il y a 7 ans, lors de notre première rencontre, c'était de pures larmes de joie, légères comme de l'écume, qui coulaient en apesanteur sur ses joues. À Tokyo, nous étions remontés immédiatement dans notre chambre. Nous avions traversé sans un mot le grand hall désert aux lustres de cristal illuminés. Trio de lustres éblouissants qui se mirent à se balancer doucement sous nos yeux au moment même où nous rentrions à l'hôtel. Les lustres se mettant à osciller sur eux-mêmes comme des cloches de cathédrale, s'ébrouant lentement sur notre passage dans un cliquetis de verre et de cristal qui accompagnait l'irrésistible grondement de détresse de la matière qui faisait trembler le sol et vibrer les murs. Puis l'onde passée, la lumière ayant vacillé au plafond en plongeant un instant l'hôtel dans l'obscurité, les lustres, encore en mouvement, se rallumèrent en plusieurs temps dans le hall et se remirent en place dans le frissonnement à rebours de milliers de paillettes de verre transparentes, retrouvant peu à peu leur immobilité. Le couloir de l'étage était silencieux, interminable. Moquette beige, plateau de room service abandonné devant une porte avec des vestiges épars de repas, une serviette de guingois jetée à travers une assiette sale. Marie marchait devant moi, les épaules lasses, les bras sans force, laissant traîner une main à côté d'elle sur les murs du couloir. Je la rejoignis devant la porte et introduisis la carte magnétique dans la serrure pour entrer dans la chambre. Et à chaque fois, ces 2 soirs, à Paris et à Tokyo, nous avions fait l'amour. La première fois, pour la première fois, et la dernière, pour la dernière. Aucun de nous n'avait encore allumé de lumière dans la chambre, ni le plafonnier, ni la lampe de chevet. Et par la grande baie vitrée de la chambre d'hôtel, on apercevait au loin le quartier administratif de Shinjuku, illuminé dans la nuit. Je rejoignis Marie à la fenêtre, regardais un instant avec elle le bouquet très dense de tours et d'immeubles de bureaux qui se dressaient devant nous dans l'obscurité, épars et majestueux, chacun du haut de ses étages, semblant veiller personnellement sur son propre périmètre administratif de silence et de nuit. Tandis que mon regard allait lentement de l'un à l'autre, Shinjuku Sumitomo Building, Shinjuku Mitsui Building, Shinjuku Center Building, Keio Plaza Hotel. « Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser ?» me demanda alors Marie à voix basse, le regard fixe, au loin, avec quelque chose de buté dans le visage. Je continuais de regarder dehors sans répondre. Au bout d'un moment, d'une voix neutre, étonnamment calme, je répondis que je n'avais jamais dit que je ne voulais pas l'embrasser. « Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas ?» dit-elle en s'approchant de moi pour me prendre l'épaule. Je me raidis, repoussai sa main le plus doucement possible et me remis à regarder fixement le quartier dans la nuit. Je répondis de la même voix calme, presque atone, comme un simple constat. Je n'ai jamais dit non plus que je voulais t'embrasser. C'était trop tard, Marie. C'était trop tard maintenant. Elle me regarda longuement devant la fenêtre. « Allons dormir, Marie, lui dis-je. Allons dormir, il est tard. » Et je vis un long frisson lui parcourir l'épaule, de lassitude et d'agacement. Je faillis ajouter quelque chose, mais je ne dis rien. Je me retins et lui posai doucement la main sur l'avant-bras. Et elle dégagea violemment le bras. « Tu ne m'aimes plus, dit-elle. » 7 ans plus tôt, elle m'avait expliqué qu'elle n'avait jamais ressenti un tel sentiment avec personne. Une telle émotion, une telle vague de douce et chaude mélancolie qui l'avait envahie en me voyant faire ce geste si simple, si apparemment anodin, de rapprocher très lentement mon verre à pied du sien pendant le repas, très prudemment, et de façon tout à fait incongrue en même temps, pour deux personnes qui ne se connaissaient pas encore très bien, qui ne s'étaient rencontrées qu'une seule fois auparavant, de rapprocher mon verre à pied du sien pour aller caresser le galbe de son verre, l'incliner pour le heurter délicatement, dans un simulacre de trinquet, sitôt entamé qu'interrompu. Il était impossible d'être à la fois plus entreprenant, plus délicat et plus explicite, m'avait-elle expliqué, un concentré d'intelligence, de douceur et de style. Elle m'avait souri, elle m'avait avoué par la suite qu'elle était tombée amoureuse de moi dès cet instant. Ce n'était donc pas par des mots que j'étais parvenu à lui communiquer ce sentiment de beauté de la vie et d'adéquation au monde qu'elle ressentait si intensément en ma présence, non plus par mes regards ou par mes actes, mais par l'élégance de ce simple geste de la main qui s'était lentement dirigé vers elle avec une telle délicatesse métaphorique qu'elle s'était sentie soudain étroitement en accord avec le monde, jusqu'à me dire quelques heures plus tard, avec la même audace, la même spontanéité naïve et culottée, que la vie était belle, mon amour. Derrière la fenêtre de la chambre, les néons continuaient de déchirer la nuit en de longues lueurs rougeâtres intermittentes qui pénétraient la pièce et venaient se mêler à la pâle lumière dorée de la lampe de chevet. Je m'emparais d'une flûte à champagne que je remplis à ras-bord d'eau minérale et allais rejoindre Marie sur le lit en me faisant une place dans le désordre de peignoirs et de robes qui encombraient les draps. En m'asseyant à côté d'elle, mon regard se posa sur l'échancrure de son pantalon qui laissait maintenant apparaître la presque totalité de son slip transparent, derrière lequel se devinait la masse dense et sombre des poils de son pubis. Sentant ma présence à ses côtés, Marie releva lassement le bras et me prit la flûte des mains, qu'elle porta aussitôt à sa bouche pour boire une gorgée d'eau sans ôter ses lunettes de soie, avant de se recoucher lentement en arrière, la flûte à la main, de l'eau glissant à l'encoignure de ses lèvres dans un frimas de petites bulles frémissantes. Puis, comme elle buvait toujours, l'eau se mit à dégouliner en fontaine le long de ses joues, sur son menton, dans son cou et sur ses clavicules. Quand elle eut fini de boire, elle tendit le bras au loin hors du lit pour déposer la flûte, qui tomba à la renverse sur la moquette. Et sans transition, d'un geste autoritaire, sûr et précis, elle s'empara de ma main et l'enfonça dans son slip, resserra les cuisses autour de sa prise. Et passé la première surprise, passé le premier saisissement, je sentis soudain sous la peau de mon doigt le contact légèrement électrique, éminemment vivant, meuble et humide de l'intérieur de son sexe. C'était une envie immémoriale et instinctive que je voyais croître et se nourrir en moi par le simple enchaînement des gestes de l'amour que nous accumulions. Marie avait soulevé le bassin pour m'aider à enlever son pantalon, et j'avais longuement embrassé son ventre nu autour de son nombril, juste au-dessus de la couture invisible du slip, qui marquait une frontière de tissu entre sa peau très blanche et le léger lycra noir et transparent du sous-vêtement. Puis elle avait tendu la main pour m'aider à descendre le slip sur le côté, s'était encore soulevée pour l'enlever tout à fait. Et alors elle avait progressivement cessé de bouger et de s'agiter. Son impatience s'était tue. Elle demeurait allongée en arrière sur le lit, la nuque baignant dans un coussin, les lunettes en soie lilas de la Japan Airlines sur les yeux, avec une sorte d'apaisement des traits du visage depuis que ma langue s'était enfoncée dans son sexe. Et elle gémissait très doucement, apaisée, accompagnant simplement les mouvements de ma langue en soulevant en rythme le bassin imperceptiblement. Lentement, j'étais remonté avec la bouche tout au long de son corps, m'attardant sur son ventre et sur ses seins, dépassant la fine frontière de dentelle de son soutien-gorge noir qui était resté attaché dans son dos, mais dont j'avais descendu précautionneusement les balconnets, de sorte que ses seins, délivrés du corset de dentelle, tombaient dans mes mains et se mouvaient très mollement sous mes doigts. Petit à petit, je remontais vers son visage, mes paumes glissant sur sa poitrine et ses épaules nues. D'instinct, ma bouche s'était sentie aimantée par sa bouche et l'appel des baisers. Mais au moment même où j'allais poser mes lèvres sur les siennes, je vis que sa bouche était fermée, close et butée dans une détresse muette. Ses lèvres pincées qui n'attendaient nullement ma bouche, crispées dans la recherche d'un plaisir exclusivement sexuel. Et c'est alors que, m'immobilisant et redressant la tête au-dessus de son visage, dont les yeux bandés me voilaient l'expression, je vis apparaître très lentement une larme sous le mince rebord noir des lunettes de soie lilas de la Japan Airlines. Une larme immobile, à peine formée, qui tremblait tragiquement sur place, indécise, incapable de glisser davantage le long de sa joue. Une larme qui, à force de trembler à la frontière du tissu, finit par éclater sur la peau de sa joue, dans un silence qui résonna dans mon esprit comme une déflagration. J'aurais pu boire cette larme à même sa joue, me laisser tomber sur son visage et la recueillir avec la langue. J'aurais pu me jeter sur elle pour embrasser ses joues, son visage et ses tempes, arracher ses lunettes de tissu et la regarder dans les yeux, ne fût-ce qu'un instant. Échanger un regard et se comprendre. Communier avec elle dans cette détresse que l'exacerbation de nos sens aiguisait. J'aurais pu forcer ses lèvres avec ma langue pour lui prouver la fougue de l'élan inentamé qui me portait vers elle, et nous nous serions sans doute perdus, en sueur, inconscients de nous-mêmes, dans une étreinte mouillée, salée, onctueuse, de baisers, de transpiration, de salive et de pleurs. Mais je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas embrassé. Je ne l'ai pas embrassé une fois cette nuit-là. Je n'ai jamais su exprimer mes sentiments. J'ai regardé la larme se dissiper sur sa joue et j'ai fermé les yeux en pensant que peut-être, en effet, je ne l'aimais plus. C'était tard, peut-être plus de 3 heures du matin, et nous faisions l'amour. Nous faisions lentement l'amour dans l'obscurité de la chambre, que traversaient encore de longues traînées de lueurs rouges et d'ombres noires, qui laissaient sur les murs de fugitives traces de leur passage. Nue dans mes bras, chaude et fragile dans le lit de cette chambre d'hôtel, au plafond de laquelle passaient de fugaces filaments de lueurs de néons rouges, je l'entendais gémir dans le noir, à mesure que je bougeais en elle. Et je ne sentais guère ses mains contre mon corps, ses bras s'enrouler autour de mes épaules. Non, c'était comme si elle évitait soigneusement tout contact superflu avec ma peau, tout attouchement inutile, toute jonction entre nos corps autre que sexuel. Car seul son sexe semblait participer à notre étreinte. Son sexe chaud que j'avais pénétré, et qui bougeait de façon presque autonome, âpre et hargneuse, avide, tandis qu'elle serrait les jambes pour enfermer ma verge dans l'étau de ses cuisses et se frottait éperdument contre mon pubis, à la recherche d'une jouissance que je la sentais prête à conquérir de façon de plus en plus agressive. J'avais le sentiment qu'elle se servait de mon corps pour se masturber contre moi, qu'elle frottait sa détresse contre mon corps pour se perdre dans la recherche d'une jouissance délétère, incandescente et solitaire, douloureuse comme une longue brûlure et tragique comme le feu de la rupture que nous étions en train de consommer. Et c'était sans doute exactement le même sentiment qu'elle devait éprouver envers moi, car moi aussi, depuis que notre bras-le-corps était devenu cette lutte de deux jouissances parallèles, non plus convergentes mais opposées, antagonistes, comme si nous nous disputions le plaisir au lieu de le partager. J'avais fini par me concentrer comme elle sur une recherche de plaisir purement onaniste. Et à mesure que l'étreinte durait, que le plaisir sexuel montait en nous comme de l'acide, je sentais croître la terrible violence sous-jacente de cette étreinte. Il est sans doute probable que si nous avions joui maintenant, nous aurions pu calmer nos sens enfiévrés par la tension nerveuse et la trop grande fatigue accumulée depuis le début du voyage, et nous endormir là comme des bûches, enlacées dans ce grand lit défait. Mais le désir grandissait toujours, la jouissance nous gagnait, et les lèvres serrées, gémissant dans les bras l'un de l'autre, nous continuions de nous aimer dans l'obscurité de cette chambre d'hôtel, quand j'entendis soudain un minuscule déclic derrière moi. Et dans le même temps, la pénombre de la chambre fut envahie par une clarté bleutée d'aquarium, silencieuse et inquiétante. Sans la moindre intervention extérieure, et dans un silence d'autant plus surprenant que rien ne l'avait précédé ni rien ne le suivit, le téléviseur s'était allumé de lui-même dans la chambre. Aucun programme n'avait été initialisé, aucune musique ni aucun son ne sortait du récepteur, seulement une image fixe et neigeuse qui affichait sur l'écran un message sur fond bleu dans un imperceptible grésillement électronique continu. You have a fax. Please contact the central desk. Marie, les yeux ceints de ses lunettes de soie, n'avait rien remarqué de cette interruption et continuait de se mouvoir dans mes bras, dans la pénombre bleutée de la chambre. Mais malgré l'intensité brûlante de mon désir, je fus anéanti par cet incident. Et fixant avec hébétude ce message silencieux sur l'écran, je fus incapable de poursuivre un instant de plus notre étreinte. Essoufflé et en sueur, je m'interrompis, et après être resté un instant immobile contre son corps, je me retirai d'elle en lui disant à voix basse, le plus absurdement du monde, qu'on avait reçu un fax. Un fax ? Je crois qu'elle n'écouta même pas ma phrase, ou ne la comprit pas, ne cherchant en tout cas pas à la comprendre, tant elle prit mon interruption pour une agression, une volonté délibérée de la priver de son plaisir, de lui voler la jouissance. Couchée sur le dos dans le lit, elle finit par éclater silencieusement en sanglots. Des larmes fuyaient de tous côtés, sous les interstices de ses lunettes de soie, non seulement vers le bas, qui coulait naturellement sur ses pommettes et sur ses joues, mais aussi vers le haut, qui allait se mêler aux gouttelettes de transpiration accumulées le long de ses cheveux. Je voulus dire quelque chose, m'expliquer, lui prendre le bras pour la calmer, lui caresser la joue, mais mes efforts pour la consoler ne faisaient que la hérisser davantage. Le simple contact de mes mains sur sa peau lui faisait horreur. Prise de convulsions sur le lit, elle me repoussait des pieds et des mains en me hurlant de foutre le camp. « Tu me dégoûtes, » répétait-elle. « Tu me dégoûtes. » Je nageais lentement dans l'obscurité de la piscine, l'esprit apaisé, partageant mes regards entre la surface de l'eau que mes brasses lentes et silencieuses altéraient à peine, et le ciel immense dans la nuit, visible de toutes parts par les multiples ouvertures de la baie vitrée qui offrait aux regards des perspectives illimitées. J'avais le sentiment de nager au cœur même de l'univers, parmi des galaxies presque palpables. Nu dans la nuit de l'univers, je tendais doucement les bras devant moi et glissais sans un bruit au fil de l'onde, sans un remous, comme dans un cours d'eau céleste, au cœur même de cette voie lactée qu'en Asie on appelle la rivière du ciel. De toutes parts, l'eau glissait sur mon corps, tiède et lourde, huileuse et sensuelle. Je laissais mes pensées suivre leur cours dans mon esprit. j'écartais l'eau en douceur devant moi, scindant l'onde en deux vagues distinctes, dont je regardais les prolongements scintillants de paillettes d'argent, s'éloignant en ondulant vers les bords du bassin. Je nageais comme en apesanteur dans le ciel, respirant doucement en laissant mes pensées se fondre dans l'harmonie de l'univers. J'avais fini par me déprendre de moi. Mes pensées procédaient de l'eau qui m'entourait. Elles en étaient l'émanation. Elles en avaient l'évidence et la fluidité. Elles s'écoulaient au gré du temps qui passe, écoulaient sans objet, dans l'ivresse de leur simple écoulement, la grandeur de leur cours, comme des pulsations sanguines inconscientes, rythmées, douces et régulières. Et je pensais, mais c'est déjà trop dire, non, je ne pensais pas. Je faisais maintenant corps avec l'infini des pensées. J'étais moi-même le mouvement de la pensée. J'étais le cours du temps. C'était Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes, d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACD. Prise de son Philippe Bredin et Arnaud Chapat. Sonorisation Tanguy Le Corneau. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Réalisation Delphine Lemaire. Les livres de Jean-Philippe Toussaint sont publiés aux éditions de Minuit. Série d'un été d'écrivains, lectures et entretiens.